Je suis pleinement conscient que je ne suis pas équilibré, que mon esprit est troublé, que je suis souvent aux prises avec des hallucinations qui me font faire des choses étranges. C'est généralement parlant les qualificatifs qui font de savant un savant fou. Je n'ai d'ailleurs aucun problème à vivre avec ces inégalités psychologiques. Je dirais même plus qu'elles sont parfaitement adaptées à mon mode de vie étrange et inquiétant. Mais là, ça dépasse carrément les bornes, bordel. Je crois que je suis totalement dément. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai programmé du black metal pour cette édition du Undead Incorporated Show. Quelle horreur. Je suis maudit. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsque sa condition initiale de fou devient socialement tout à fait convenable comparativement à sa démence. Priez pour ne pas y survivre enfoiré. 'Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. 'Cause I said so. Go.

t'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly, eh bien écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Avis de recherche. Toi. Rejoins l'équipe de C'est Fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Suivant. Qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, pis là j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique pis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes à C'est Fou pour l'écouter. C'est Fou, 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation, première édition de mars 2014, le 4 précisément, et ce jusqu'à minuit. Je suis le Dr. Payne Pendragon, je suis avec vous et avec votre esprit, jusqu'à 21h. En bloc d'ouverture, on a entendu que des vieilleries, bien entendu, mais de bonnes vieilleries, comme on le fait à la coutume. Juste avant cette pause publicitaire, une bonne époque pour Nuclear Assault. L'époque de Game Over, paru en 86, et la pièce Sin, c'était sur Combat Record. Depuis le temps, malheureusement, je dois dire que les choses ne se sont pas améliorées. Suicidal Tendencies, pardon, juste auparavant, et une autre bonne époque pour Suicidal Tendencies, la pièce Trip of the Brain, que l'on retrouve sur How Will I Laugh Tomorrow When I Can't Ever Smile Today, qui paru en 88 sur Epic. Je dis une bonne époque pour Suicidal, parce qu'aujourd'hui, là, c'est... Je regrette énormément Rocky George au sein de la formation en tant que guitariste. Maintenant, c'était des années-lumière de ce qu'il devrait faire. Je n'aime plus du tout cela. Un choix, je dirais, étrange en ce qui me concerne. Iron Maiden et la pièce 2 Minutes to Midnight, qu'on retrouve sur l'album qui est paru en 84 sur Power Slave. C'était sur l'étiquette EMI. Et pourquoi Iron Maiden et pourquoi c'est étrange? Ben, je le dis depuis les 14 dernières années. J'aime pas Iron Maiden à part les deux premiers albums qui sont avec Paul Di'Anno, bien entendu. Mais il existe quelques pièces qui font partie de la discographie sous le joug de Bruce Dickinson qui me plaisent, dont 2 Minutes to Midnight. Nous avions Megadeth, auparavant un Rattlehead, que l'on retrouve sur le premier album paru en 85 de cette formation, Killing is My Business and Business is Good, qui était sur l'étiquette Combat. Angel Witch, une très bonne pièce pour une pièce d'ouverture de l'album Screaming and Bleeding, soit la pièce Who's to Blame. Ça, je trouve ça très, très, très bon. Et étrangement, Angel Witch existe toujours. Pratiquement 26 années d'existence pour cette formation Angel Witch, une formation qui nous vient du United Kingdom. Mais encore plus étrange, en 26 ans, il n'y a que 4 albums studio complets qui sont parus sous le nom de Angel Witch, et le dernier étant As Above, So Below, qui est paru en 2012. Le plus récent, avant cette parution-là de 2012, était Et puis, écoutez, là, je rigole pas, là. En 86, l'album Frontal Assault, qui est paru en 86. Bon, OK, on s'entend, Angel Witch, il y a eu des petits arrêts, des petites pauses, parfois, de quelques années, parce que leur activité a été principalement sous le nom d'Angel Witch de 78 à 82. Il y a eu une pause de 2 ans pour reprendre de 84 à 98. Une autre pause, cette fois-ci, de 5 ans pour reprendre de 2003 à 2005. Encore une pause de 3 ans, de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Ça peut expliquer. Ça peut expliquer certaines choses. Mais tout de même, 26 ans, 4 albums. Bon, je vous fais grâce, là, parce qu'il y a quand même pas mal de hippies, là. Il y a des démos qui sont apparus à travers ça, dans les années 80. Des compilations, des albums live dans les années 90. Il y a même un split qui est paru en 98. Ben, ça fait un petit peu en dents d'ici, là, vous avouerez. Et on a ouvert le tout avec King Diamond et la pièce Mansion in Darkness que l'on retrouve sur Abigail, qui est paru en 86 sur Road Racer. King Diamond, c'est toujours en activité. En activité. On s'entend que le dernier album de King Diamond est de 2009, si je ne m'abuse. Il n'a rien fait depuis ce temps-là, mais il fait des apparitions live, là, ici et là, ce qui prouve qu'il est encore en activité. Pas très activement, là, si on peut dire ainsi, mais il l'est tout de même. Ce soir, j'ai des chroniques musicales pour vous. Donc on va faire une petite rétrospective tout à l'heure. Une petite tournée, si on veut. Dans quelques instants, j'ai aussi une grande chronique cinéma à vous parler. Mais j'ai pété les plombs ce soir parce que... Et là, écoutez, il faut que je sois totalement franc avec vous. J'ai eu aucune demande pour préparer ce spécial qui est black metal. Vous savez, je ne suis vraiment pas un amateur de black metal. Sinistro se chargeait à l'époque de cette section et il aimait ce genre musical. Je respecte les gens qui... Non, je ne respecte pas les gens qui aiment ça. Je respecte pas les gens tout court, de toute façon. Pourquoi j'ai décidé de préparer un spécial quand même de 34 minutes, un peu plus de 34 minutes de black metal? C'est un peu ahurissant venant de moi, là. C'est simplement que je me suis dit, faut que je fasse plaisir aux auditeurs à l'occasion. Faut que je fasse acte de sacrifice envers, de moi-même envers les amateurs de métal. Et je vous ai préparé un spécial black metal, mais écoutez, là, je suis quand même pas totalement cinglé à ce point-là. Là, j'ai quand même retenu des pièces qui étaient minimalement intéressantes pour moi, voire à l'occasion, je dois dire, même bonnes. Là, c'est un peu le principe d'Iron Maiden ici. Là, j'aime pas ça, mais il y a des points saillants à l'occasion qui me font plaisir d'entendre. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, pour me rendre la chose moins pénible, j'ai évidemment programmé des pièces que je serais pas obligé de fermer le volume ici à l'intérieur, là. Je sais pas si je vais le toffer jusqu'au bout. Ça risque d'être pas mal pénible par moment, mais c'est pas grave. Ça, c'est dans quelques instants. Mais tout de suite, évidemment, allons faire un tour dans ce que j'ai découvert. Ce que j'ai écouté principalement la semaine dernière, musicalement. Le nouvel album de Acheron, Cult Death Assess, qui vient de paraître tout juste il y a quelques jours sur l'étiquette Listenable Record. C'est un album que j'ai trouvé fort correct, honnêtement. J'ai pas suivi l'entier de la carrière de cette formation américaine qui œuvre dans le dead black metal, soit Acheron, mais j'ai quand même certains albums d'eux autres, et je dois dire que le précédent était aussi fort intéressant. Le précédent, je dois dire, était The Last Days of God, The Final Conflict, si vous préférez. C'est pas du grand métal pour se darder de dire qu'on connaît le Acheron, mais c'est correct. J'ai donné une cote de 7.5 sur 10, qui est quand même aussi assez correct. Et la semaine prochaine, je me propose de vous en faire écouter quelques pièces. De même que ce que j'ai pris un peu de retard, j'en conviens, là, de la première parution de la formation Brutal Death Metal américaine, soit Narcotic Wasteland. Donc, ça sera une espèce de doublé la semaine prochaine à ce niveau-là. D'ailleurs, soit dit en passant, la semaine prochaine, je vais renouer avec ce que Sinistros et moi avions amorcé il y a de cela, plus d'une année. C'était une fois par mois, mensuellement, une petite chronique qui était sur un album marquant, qui était à l'époque, bien entendu, personnel à lui et personnel à moi de mon côté, là, vous en conviendrez, je ne passerai pas deux albums, là. Je vais vous en proposer un la semaine prochaine qui sera un album très bon qui m'a, moi, vraiment marqué. Il s'agit d'un album de Morbid Angel qui est paru en 1993, soit Covenant, qui est selon moi un des très bons de leur discographie. Continuons cette exploration musicale. Écoutez, il y a des bonnes et des moins bonnes choses qui se font, hein, qui sortent, ça, faut en convenir. Il y en a même beaucoup de mauvaises, je dois dire, là. Puis cette fois-ci, avec la formation Portal, une formation qui vient de Suède, qui est catégorisée comme étant du melodic death metal. Un peu de misère à dire que du death metal, ça peut avoir un côté mélodique. Là, je comprends pas ben ce sous-groupe-là, mais bon. L'album s'appelle For All That Is Deemed to Vanish. C'est paru à la fin de 2013 sur Vic Records. Ben, écoutez, je vais vous lire textuellement ce que moi j'ai rédigé comme micro-chronique sur le site de Réanimation. Je vous incite d'ailleurs à y aller. À l'occasion, une fois par année, bon, allez-y pas finalement. Non, c'est une blague. Y a-t-il quelqu'un pour m'expliquer pourquoi les mots death et mélodique sont assemblés? Puis c'est effectivement ce que je vous disais d'emblée. Ces deux mots sont à l'antithèse l'un de l'autre et ne pourront définitivement jamais s'entendre. Un point, c'est tout. Et c'est effectivement ce que je pense. Soyons francs, Portal exploite plus le côté death metal, c'est effectivement vrai, que le côté mélodique. Mais il en exploite déjà trop pour ce genre. Donc, je reviens encore à dire que le mot mélodique et death metal, ça ne va pas ensemble. Une autre formation qui se donne des airs de dur et brutaux pour à un moment nous donner et probablement nous pitcher en pleine figure un beau moment accrocheur. C'est vraiment pourri comme formule. Moi, j'oublie ça au plus vite et c'est vrai parce que j'ai donné un 0 sur 10. Je trouve ça exécrable totalement. Formation canadienne dont j'ai reçu l'album qui porte le nom de Cataplexis. C'est signé sur l'étiquette Gallery Records. Le week-end dernier, l'album s'appelle Downpour. C'est du death grindcore. Et j'avouerai que j'ai eu un petit peu de difficulté avec le band. Principalement à cause du vocal. Le vocal est très criard et très chihuahua, ce que j'appelle chihuahua. Rappelez-vous un peu les mauvaises années pour certains, dont moi, de Danny Field dans Cradle of Field. C'est moins criard, moins aigu, j'en conviens, pour Cataplexis, mais c'est constamment la même chose et ça devient très fatigant à la longue. Moi, j'ai donné seulement un 5 sur 10 pour Cataplexis. Pochette, écoute, c'est assez messy comme pochette. Ça rappelle Cthulhu un petit peu, là. C'est un peu, c'est du black and white. Ça semble être Cthulhu. Mais je trouve que ça fait, c'est pas très punché comme graphisme. Puis musicalement non plus, malheureusement. Par contre, quelque chose qui m'a vraiment plu, que je ne passerai pas nécessairement ici à Réanimation, parce que ça, c'est pas assez méchant, là, en tant que tel, au niveau de l'aspect métallique de la chose, mais que je vais présenter cette semaine à l'émission Rock Classique avec mon bon ami le Rockmaster. Je dis bon ami parce que probablement il m'écoute, là, mais dans les faits, je le connais même pas. C'est le dernier album de la formation américaine Big Health, qui donne dans un progressif psychédélique hard rock à tendance métallique par moment. L'album porte le nom de Into the Mindstorm et c'est paru sur Inside Out Music. C'est disponible en CD et en LP aussi. C'est vraiment excellent. J'ai trouvé ça excellent. Si vous êtes amateur de la tendance progressive avec des soupçons psychédéliques, là, pis ça arrache pas, là. On s'entend, là, c'est pas de la musique qui arrache, là. Comme ce que John Soper nous demandait à l'époque, là, qui voulait que la peinture décolle des murs, c'est pas le cas du tout. Par contre, c'est vraiment excellent. C'est une musique qui est très, je dirais, cérébrale, si on veut. Donc, ça ne s'adresse pas à vous. Ben non, c'est une blague. Ben peut-être, mais ça, c'est vous qui le déterminerez. Donc, Big Elf, j'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai donné un 8.5 sur 10. Côté cinéma, tout à l'heure, j'ai beaucoup de choses que j'ai vues au cours de la dernière semaine. Des bonnes et des moins bonnes, mais des excellentes aussi, je dois dire. Donc, on s'en parlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, allons, je vais m'en débarrasser une fois pour toutes, là, avant que l'émission se finisse, puis je suis obligé de le refaire la semaine prochaine. Ah oui, ceux qui se demandent où est Gustave, présentement, il fait dodo. Il va être là probablement tout à l'heure. On va y aller avec ce spécial Black Metal d'une durée de 34 minutes 17 secondes. Ben, c'est pas rien en ce qui me concerne, hein, parce que normalement, j'en passerais même pas une pièce. Donc, faites une croix sur le calendrier. Vous pourrez aller réécouter le podcast là, à outrance si vous trouvez que c'est pas suffisant, là, mais je pense suffisant dans cette édition-ci. Vous pourrez les réécouter comme vous le voulez, mais cette fois-ci, là, je vous fais un grand plaisir aux amateurs de Black Metal. Je vais vous passer du Emperor, du Immortal, du Satyricon, du Marduk et du Dark Funeral. Wow, qu'est-ce que je fais que ça? C'est pas grave. Emperor with Straight I Burn Go. recherches de nouveaux défis et tu aimes t'impliquer? Jusqu'au 11 mars, pose ta candidature pour les élections générales de l'Association générale des étudiants et étudiantes de l'UQTR. Fais la différence auprès de ta communauté universitaire. Formulaire de mise en candidature disponible au 1022, pavillon de la vie étudiante dans Nery Beauchemin. Génie en liberté, émission d'actualité et d'information, tous les mercredis à 14h. La Julie Factrice est une boutique de laine et un atelier d'art textile. Venez vous détendre dans notre salon de tricot. Pour débuter ou vous perfectionner, notre équipe de pros vous éclaire à trouver des idées originales et adaptées à vos habiletés. Plusieurs choix de fils et de laine s'offrent à vous. Cascade, Noro, Fliss Artiste, Zara sont disponibles sur place. De plus, nous avons tous les accessoires pour vos projets de tricot, de tissage, de feutrage et de filage. Obtenez 10% de rabais sur présentation de la carte étudiante. De l'aiguille au rouet, en passant par les métiers de table, la Julie Factory est imbattable. 140 boulevard Louis Fréchette à Nicolet. Soldats, vous êtes prêts? Ça fait des semaines qu'on se prépare, alors on passe à l'attaque! Défendez vos femmes, votre pays, mon Dieu! Avez-vous des questions? Ouais, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes avant? Aux toilettes! Aux toilettes avant! C'est con, hein? C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Exceptionnellement, ce jeudi le 6 mars, venez assister à la Luître Feutrée, un match d'improvisation dans une ambiance théâtrale douce et coquette. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. sorcier autrefois. We'll be right back. mon acte de contrition est fait. Ah, j'espère que ça vous a plu, parce que moi, pas du tout. Non, c'était pas si pire que ça. C'était pas si pire que ça. Je l'avais dit en début de ce spécial que j'avais quand même retenu des pièces que je trouvais tolérables, voire, dans certains cas, bonnes. Et je me suis tout simplement bouché les oreilles en me chantant des choses très fort dans la tête, et puis ça a bien passé finalement. On vient d'entendre Dog Funeral, la pièce In My Dreams, que l'on retrouve sur Angelus Exuro Pro Eternus. La dernière apparition de cette formation, en 2009, sur Regain Records. Marduk, ah ça, je trouve ça bon par exemple. Into Second Death. C'est une des pièces que je trouve vraiment très, très bonne au niveau du black metal. C'est tiré du dernier album Serpent Sermon, qui est paru en 2012 sur Century Media. Et étrangement, tous les gens que je connais qui aiment le black metal n'aiment pas Marduk. Je comprends pas. Et moi, cet album-là, je l'aime. Bon, quand je dis tous les gens, ça fait un ou deux, là. C'est pas énorme. Mais disons que deux sur deux là qui m'ont dit qu'ils aimaient black metal puis qui n'aiment pas Marduk, ben cet album là ben ça fait toute une bonne moyenne. Moi je le trouve super bon, ben cette pièce là je la trouve vraiment très bonne, je dois l'avouer. Satyricon, formation norvégienne, et la pièce Die by My Hand que l'on retrouve sur The Age of Nero, qui est paru en 2008 sur l'étiquette Nuclear Blast. Nous avions Immortal, bien entendu, notre formation norvégienne, et la pièce Antarctica que l'on retrouve sur un album qui a quand même, ma foi, je dirais presque 12 ans, Northern Darkness, qui est paru en 2002, également sur l'étiquette Nuclear Blast. Nous avions ouvert avec Emperor et la pièce With Strength I Burn, que l'on retrouve sur Hand Hames 2 des Wilkin at Dusk, qui est paru en 97 sur Candlelight. Et je dois avouer que dans le lot, là, dans ce qui s'est fait, là, principalement dans le black metal, Emperor, c'est une des formations que je supporte beaucoup plus facilement. Évidemment, Isan, maintenant, fait des trucs beaucoup plus planants, voire progressifs, qui sont, oui, à tendance black metal, souvent, mais je dirais beaucoup plus recherché et raffiné qu'est-ce qu'il faisait à l'époque, mais je dois dire qu'Emperor, c'est quand même correct. Bon. Ben, j'espère que vous en avez profité, hein, parce que ça viendra pas avant longtemps, ça, là. J'ai pas l'intention de me sacrifier aussi souvent que ça. Côté cinéma, il y a plein de trucs qui sont à venir. Les choses intéressantes, il y en a évidemment là qui vont sortir incessamment, là, mais je vous dis là ce qui s'en vient là d'avril à juin, vous allez avoir le film d'horreur Oculus qui sort le 11 avril. Un film avec Johnny Depp, un film de science-fiction qui porte le nom de Transcendence. Voilà, le 17 avril, le 2 mai, c'est Spider-Man, le volet 2 de la nouvelle génération, pour ainsi dire. Godzilla, un remake, enfin, je crois que ça va être un bon remake de cette icône du cinéma japonais, qui sort le 16 mai. Un film de Walt Disney qui met en vedette Angelina, je veux dire. De Maleficent, qui c'est une révision du conte de la Belle au bois dormant, mais ça risque d'être pas mal plus évolué après ce que j'ai pu voir. C'est en salle le 30 mai. Et le 6 juin, un autre film de science-fiction qui met en vedette Tom Cruise et Emily Blunt, entre autres. Mais je dis encore Tom Cruise parce que le dernier film de science-fiction qu'il a fait, ça semble être encore... Bon, en fait, le synopsis est un peu le même. Là, c'est encore une bataille contre les envahisseurs de l'espace, les méchantes créatures aliens. Le titre du film est Edge of Tomorrow. Le dernier qu'il a fait, dont j'oublie le titre, j'ai trouvé très ennuyant. Présentement, on est parti sur une lancée de dire la Terre est dévastée, les envahisseurs de l'espace, les méchants aliens ont tout détruit, ils asservissent la pauvre race humaine, du moins pour ce qu'il en reste. Mais ces films-là, ils ont pas grand punch. Il y en a eu quelques-uns, il y a 2 ou 3 ans, qui ont été vraiment très, très hot, là. Mais les derniers de 2013 que j'ai vus, là, c'était assez banal, merci. Quand on fait du film de science-fiction pis qu'on veut inclure des extraterrestres, là, ben, il faut que ce soit pas mal plus hot que ça, pis il faut que ça brasse, là. Pis les extraterrestres, là, on veut pas qu'ils aient l'air d'une gang de catins, là. On veut qu'ils soient laids et méchants. Donc, avis aux producteurs. Ben, je pense pas qu'ils m'écoutent de toute manière. le 7 mars. Ça, là, c'est bientôt cette semaine, hein. C'est la sortie de 300 Rise of an Empire, qui est la suite logique de 300 qui avait été produit par Zack Snyder, qui était un des excellents films action, fantasy, si on veut, un de mes films préférés à vie, excessivement sanglant, très prenant comme film, qui était un remake, en fait, d'un film des années 60, faut le dire, des 300 Spartans, qui est tiré d'un fait historique, d'ailleurs. Donc, c'est la suite. Cette fois-ci, c'est réalisé par... c'est produit par Noam Moreau, que je ne connais pas, et qui met en vedette Sullivan Stapleton, Rodrigo Santoro et Lena Headey. Lena Headey, elle jouait dans le premier de Snyder. Elle fait la reine Gorgo. On la voit aussi dans Games of Thrones, entre autres. On l'a vu aussi dans la série de Terminator, qui était très bonne. Série, malheureusement, qui a eu 2 saisons et sans suite et sans conclusion, pour des raisons de code d'écoute, je présume. Mais bref, ça risque d'être intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Le 23 mai, c'est X-Men, Days of Future. Days of Future Past. Qui est un film signé Bryan Singer, donc ça devrait être pas si mal, j'imagine, qui met en vedette Patrick Stewart, bien entendu, Ian McKellen et Hugh Jackman. Donc, la saga des X-Men, c'est une des très bonnes sagas de Marvel. Ça risque d'être excellent. Captain America, bien entendu, restons dans Marvel aussi. Et The Winter Soldier, ça, c'est en salle le 4 avril avec Chris Evans toujours. Donc, ça risque d'être vraiment bon parce que le premier était excellent. Écoutez, j'ai vu quelques films, ça faisait quelques semaines que je devais vous parler du film de Kevin Carraway qui met en vedette Val Kilmer et Vic Rames, c'est Seven Below. Je l'ai finalement écouté. C'est un film d'horreur thriller. C'est des gens qui doivent s'héberger dans une maison parce que bon ici il y a un orage qui se prépare, sont dans un petit bled, puis bon, ainsi de suite, sont recueillis là, et puis qui découvrent que la maison est probablement hantée, mais c'est pas très bon. Et je dois dire que Val Kilmer, dans les derniers films dans lesquels il est apparu, il n'est pas très bon. Ce pauvre Val, je pense que ses heures de gloire, elles sont derrière lui. Et je pense que maintenant, il accepte pas mal n'importe quoi. Et dans ça, bon, il n'y a pas le rôle principal. Heureusement, il disparaît assez rapidement dans le film parce qu'il est vraiment pas très bon. Il est pas très bon. Et le film, en général, n'est pas très bon. Les acteurs ne sont pas très convaincants et l'histoire est assez poche merci. C'est pas, j'ai vu pire que ça, hein. Donc, c'est pour ça que je lui ai donné un 4.5, mais je me suis quand même relativement ennuyé et malgré le fait que le film dure 1h30, j'ai trouvé qu'il avait pris la moitié de ma journée. Donc, c'est pas un très bon signe. Je vais garder le meilleur pour la fin. Il y a un film qui sera qui devrait être en salle le 16 mars. Par contre, je crois qu'il sera en salle dans les plus gros centres qu'ici, dans la région de la Mauricie. C'est le film des Handwalking, qui porte aussi le titre de Saleridge. C'est un film d'horreur, c'est un film de hantise aussi. J'en sais pas plus parce que c'est très difficile d'avoir des renseignements sur ce film-là. Ça va être un film de série B. Pour ça que je dis que c'est pas sûr que ce soit vraiment en salle. Ça va peut-être sortir directement en format Blu-ray DVD. Bref, je pourrais vous tenir au courant. Un film que j'ai vu. J'attendais vraiment ce film-là avec quand même pas mal d'impatience, je dois dire, parce que je suis un fanatique de tout ce qui a rapport avec le terme Frankenstein. C'est le film I, Frankenstein, qui est un film de Stuart Beatty qui met en vedette Aaron Eckhart. C'est un film de science-fiction dans lequel on mélange de l'action. Bon, j'avais été voir les previews, puis les previews étaient comme bof. Ouais, ça pique ma curiosité, je suis pas convaincu, va falloir vraiment que je m'en fasse une idée. Et je l'ai écouté le week-end dernier, et c'est très mauvais. C'est très mauvais. En fait, c'est pas assez mauvais que j'ai donné un 0 sur 10, j'ai donné un 2.5 sur 10, parce qu'il y a certaines séquences qui sont intéressantes, mais c'est un film qui est une pâle réplique, imitation du principe de Underworld. Vous savez, il y a une saga Underworld, là, les lycans contre les vampires, là, c'est vraiment très mauvais, là. Le premier était passable, mais après ça, c'est pas très bon. C'est à peu près le même principe, mais cette fois-ci, c'est des gargouilles qui se battent contre des démons sur Terre. Et puis lui, la créature de Frankenstein, qui s'est fait baptiser Adam, ouais, c'est assez quétaine, merci. Eh bien, lui, il prend parti pour les humains et il décide qu'il va combattre les démons. ça fait 200 ans là qu'il vit là, et puis là il sait pas quoi faire, donc il se dit bah écoute, je vais aller aider des gargouilles moi là, puis je vais combattre les démons. Puis là, en fait, on lui donnait l'intelligence d'Albert Einstein là-dedans. Là. Fait que faut pas oublier que la créature originale de Victor Frankenstein dans le roman de Mary Wollstonecraft Shelley, ben il avait même pas l'usage de la parole. Là. Il grognait, c'est tout. Là. Et puis il y avait autant d'intelligence qu'un écureuil. Là. Maintenant que lui peut se remettre en question là, l'évolution de l'humanité là par rapport à ce qu'ils sont assaillis par des démons, je trouve ça un petit peu fort. Puis il y a pas plus l'air de la créature de Frankenstein que moi j'ai l'air de Sophia Loren. T'in. Si vous connaissez pas Sophia Loren, ben dites-vous qu'au départ c'est une femme, ce qui a pas rapport avec moi. C'était une actrice des années 50-60 et puis j'y ressemble pas du tout. Fait que c'est vraiment là, c'est d'un ridicule absolu. J'écoutais un autre film de guerre, qui est une série B, mais qui est quand même pas si mal, qui s'appelle Company of Heroes, qui met en vedette Tom Sizemore. Moi, j'aime bien Tom Sizemore. Malgré le fait qu'il a la réputation d'être un vrai emmerdeur, j'aurais qualifié un autre titre que vous pourriez probablement lire sur le site, mais ici, je vais me retenir un peu. Je trouve que c'est un acteur intéressant, puis souvent dans les films de guerre aussi. Il a fait un excellent rôle, entre autres, dans Saving Private Ryan. Ici, c'est un film qui s'adresse encore aux amateurs de la Deuxième Guerre mondiale et qui raconte l'histoire d'une compagnie qui découvre que les Allemands, c'était la fin de la guerre, et tout le monde pense que la guerre est... Bon, en fait, les officiers américains préconisent la fin de la guerre, que c'est terminé, mais c'est pas nécessairement vrai, il y a encore beaucoup de résistance allemande. Et ils découvrent que les Allemands sont en train de faire des tests pour mettre au point une bombe nucléaire. Donc, c'est leur mission, qui se sont chargés eux-mêmes de pouvoir anéantir ça. C'est correct, c'est pas... Il y a beaucoup de clichés dedans qui sont un peu agaçants par moment, mais c'est correct, ça vaut un 7 sur 10. C'est divertissant, si vous aimez les films de guerre, moi j'aime ça. Film excellent que j'ai vu, il s'agit de Counselor, qui est un film d'action, mais très axé sur le crime, qui met en vedette Brad Pitt, Michael Fassbender. Mais en fait, je vais revirer cette passe. Ça met en vedette Michael Fassbender, Brad Pitt, Penelope Cruz et étrangement Cameron Diaz, que je trouve aussi casse-pied que Penelope Cruz. Mais je dois dire que Diaz s'en sort très bien. C'est vraiment une enfant chienne là-dedans. Elle joue très bien son rôle. Et grosso modo, c'est l'histoire de Fassbender joue le rôle d'un avocat qui décide que lui, pour arrondir sa vie, son train de vie, ben, va passer un deal d'importation de drogue avec quelqu'un qu'il connaît, qui est déjà impliqué dans le milieu. Mais ça dégénère d'une façon absolument hallucinante. C'est totalement déprimant. Et puis ça vire très mal. Donc, mais c'est un bon film, je dois dire. C'est vraiment bien fait. C'est Ridley Scott qui a fait ça. Donc, c'est pas un nouveau venu dans le cinéma. Ça vaut un 8 sur 10. Mais je dois dire, honnêtement, que j'ai vu un film vraiment, vraiment, vraiment bon, auquel j'ai donné pratiquement une note parfaite qui est de 9.5 sur 10, qui est un film de Spike Lee. Lui non plus, c'est pas un nouveau venu dans le monde du cinéma. Et ça met en vedette Josh Brolin, que je trouve qui est un excellent album, qui est le fils de James Brolin, qui a fait des films connus, oui, dans les années, principalement dans les années 70. Le gros de sa carrière a été dans les années 70. Ça met aussi en vedette Elizabeth Olsen et Samuel L. Jackson, qui fait un beau pourri là-dedans. Et c'est un film, c'est un trailer d'action qui est complètement disjoncté. La toile de fond du scénario est absolument hallucinante, très tordue. Et ça raconte l'histoire d'un publiciste qui est complètement paumé, qui est alcoolique, qui a perdu sa femme, qui s'occupe même pas de sa fille qui est en bas âge, et puis qui sa carrière bat de l'aile, mais littéralement, pour dire qu'il est pas en train de s'échouer. Et puis, à un moment donné, ben lors d'une virée, parce que ça va tellement mal qu'il se saoule la gueule allègrement, et puis, il tombe partout, il est malade, il se ramasse dans Chinatown, je sais pas ce qu'il fait là, mais il se réveille dans une chambre d'hôtel, qui est factice et qui le retient prisonnier. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je révélerai des choses qui sont cruciales dans le film, mais le film, qui porte le titre de Old Boy, je vous le recommande absolument. Si vous aimez les films qui sont parfois très violents, je dois le dire, qui mélangent de l'action avec une finesse de scénario et une fin inattendue, Old Boy, c'est un film pour vous, qui met en vedette Josh Brolin, et c'est un film de Spike Lee. C'est excellent. Nous allons continuer musicalement avant que avant que j'aie plus le temps de rien faire, moi, là. Je vous rappelle que la semaine prochaine, j'ai une présentation pour deux présentations, soit Akron, le nouvel album d'Akron, et le premier album de Narcotic Wasteland, et je vous présenterai on fera une incursion dans un album marquant, qui a été très marquant pour moi au niveau du death metal, c'est l'album de Morbid Angel, Covenant. Tout de suite, allons-y en musique avec un amalgame de toutes sortes de trucs assez bizarres. On va y aller dans un death metal qui va être parfois, je dirais, tendance à être industriel, tendance à être technique, tendance à être expérimental, tendance à être très dark. Mais tout de suite, débutons le tout avec Darth et la pièce Sharpen the Blades. Go! Indie Rock et tu cherches de nouveaux artistes à écouter? Ne manque pas Hors Zone tous les mercredis à 13h sur les ondes de C'est Fou. Chaque semaine, avec ma chronique culturelle, je vous présente un groupe Indie Rock. Hors Zone, c'est des entrevues, des quiz et évidemment l'Indie Rock à son meilleur. Avec Olivier et Carianne, Hors Zone, c'est à C'est Fou. Je suis Hors Zone, je suis Hors Zone. Savourez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Vous êtes dans la zone 89.1. Destroyer 666 et la pièce de Calling que l'on retrouve sur le bon album Cold Steel for an Iron Age qui est paru en 2002 sur Season of Mist. Vous avez sûrement reconnu l'étrangeté de Meshuga et la pièce Swarm que l'on trouve sur la dernière parution de cette formation qui donne dans un death technique voire par moment expérimental, soit l'album Coloss qui est paru, comme je l'ai dit, en 2012 sur Nuclear Blast. Et nous avions ouvert ce bloc avec Darth et la pièce Sharpen the Blades, pièce d'ouverture de l'album The Concealers qui est paru en 2009 sur Century Media. L'émission tire vraiment à sa fin. Je vous rappelle que je serai là la semaine prochaine, présentation de Narcotic Wasteland, Hacker Runs et album marquant, soit Morbid Angel Covenant. Nous allons conclure cette édition immédiatement avec une pièce de Septic Flesh, soit Ocean of Grey, que l'on retrouve sur The Great Mass. Très, très bon album paru en 2011 sur Season of Mist. Et n'oubliez pas une chose, qui est celle-ci. En attendant qu'on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, allez tous vous faire foutre. Go!